J'aurais voulu être un crayon avec une belle gomme au bout et une petite incrustation comme pour la reine et ses bijoux. Oh, j'aurais voulu être un crayon taillé pour la compétition avec une mine de champion, un pur coureur de marathon. Mais je ne suis qu'un stylo plume, tout en plastique, vendu par droit, tombé 20 fois sur le carrelage, plume redressée, tant bien que mal avec les ciseaux du voisin. Mais je ne suis qu'un stylo plume, tout en plastique, vendu par trois plumes redressées, tant bien que mal, en l'appuyant contre la table. Par manque de moyens. Oh, j'aurais voulu être un crayon qui sent le bois mais s'effrite pas, qui dessine bien quand il y a des filles, qui se casse pas quand il y a des gars. Oh, j'aurais voulu être un crayon fabriqué façon maison, assez authentique, qui a pas peur des mythes, plutôt sympathique et qui a toujours la frite. Mais je ne suis qu'un stylo plume, tout en plastique, vendu par trois, tombe 20 fois sur le carrelage, plume redressée, tant bien que mal avec les ciseaux du voisin. Tout en plastique, vendu par trois plumes redressées, tant bien que mal, en l'appuyant contre la table, par manque de moyens. Mais être un crayon à ses aléas, aller en primaire c'est un peu la galère. Quand t'as Léa qui te mordit le bras, ou quand t'as Léo qui fait toi un siamois, quant à la mine cassée à l'intérieur et que Léo, il le sait pas, il t'appointe alors pendant 1 heure. Ça le fait rire, mais ça te fait peur. Être un crayon, c'est l'inverse de la vie. Plus tu vieillis, moins tu grandis, plus t'es raccourci et moins t'es joli. Je veux plus être un crayon, une définitive décision, envoler mon obsession, car dorénavant je veux être un appointe à crayon, je veux être un sac plastique, un fer marché pour prendre mon prêt avec une sorte d'habitude par-dessus une image. L'attaque, vas-y, vas-y, passe la gratte, j'arrive. Écoute, écoute ça. C'est bon, merci. Sylvain, pour le final, c'est bon, c'est génial, super.